franceinter.fr. Aujourd'hui donc, dans Affaires Sensibles, en partenariat avec le journal Libération, retour sur la mobilisation des enfants de Don Quichotte qui, pendant l'hiver 2006, ont mis la situation des SDF à la une. Chaque année, quand l'hiver arrive et s'installe, les médias comme les politiques se souviennent que dans nos rues, des personnes seules ou des familles vivent sous les ponts ou en pleine rue à combattre le froid et la précarité. On met alors en place des plans d'action et on ouvre des places d'urgence, puis on attend que les beaux jours reviennent. Pendant l'hiver 2006 et 2007, alors que la campagne présidentielle est déjà lancée, une association inconnue, baptisée les Enfants de Don Quichotte, installe des centaines de tentes au bord du canal Saint-Martin à Paris, où se rassemblent sans domicile fixe et bien logés. Les Enfants de Don Quichotte, c'est d'abord l'histoire d'une bande d'amis et d'une famille, celle d'Augustin Legrand, lui le comédien, qui devient le temps d'un hiver, le nouveau porte-parole des sans-logis, travailleur pauvre, ancien enfant de la DAS, retraité, chômeur, femme seule. C'est l'histoire d'une lutte candide, parfois, amateur, souvent sincère, toujours, qui s'est construite d'abord sur Internet à l'aide d'un blog, puis par l'action et la parole, et qui a su happer l'attention des médias, mais aussi des politiques. C'est enfin l'histoire d'un droit, le droit au logement opposable, dernier acte politique fort de la présidente Chirac et principale victoire de ce mouvement, texte voté à la hâte en mars 2007 et dont les successeurs doivent désormais gérer l'héritage. Alors, 10 ans après, que reste-t-il de ce mouvement? Les promesses annoncées aux enfants de Don Quichotte ont-elles été tenues? La situation des SDF a-t-elle évolué? Quel est le bilan du droit au logement opposable? Pour en parler, après le récit, nous recevrons le journaliste de Libération, spécialiste notamment des questions liées au logement, Tonino Serafini. Avec lui, nous reviendrons sur cette mobilisation des enfants de Don Quichotte qu'il a couverte pour Libé, mais aussi sur la situation actuelle. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Hiver 1954, le froid tue, mais ce fléau n'est évoqué que par quelques brèves dans la presse. Le 9 janvier de cette année-là, en tournant les pages du journal Le Monde, on peut lire: sans logis, un bébé de 3 mois ne trouve pour demeure qu'une tombe. Alors que les Français rangent les décorations de Noël et la vaisselle de la Saint-Sylvestre, à Neuilly-Plaisance, dans la cité des Coquelicots, près de Paris, un jeune enfant dénommé Marc meurt de froid entre ses 2 parents. Ils ne sont ni vagabonds ni clochards, non. Donc ce sont des travailleurs, oui, victimes de la crise du logement. Sans toit, ils ont échoué là, dans une carcasse d'autocar rafistolé. La nuit du drame, au même moment à l'Assemblée nationale, les députés rejettent un amendement qui demande le déblocage d'1 milliard de francs pour la construction de logements d'urgence proposé par un abbé de Neuilly-Plaisance. Voilà 5 ans que cet homme, ancien résistant et ancien député qu'on appelle l'abbé Pierre, a créé une maison, celle des Compagnons d'Emmaüs, pour venir en aide aux plus démunis. Depuis cette date, il essaie de convaincre l'opinion et le législateur de la nécessité de leur venir en aide, de créer des logements d'urgence pour que personne n'ait à dormir dans la rue. Mais pour l'instant, il est seul. Le 31 janvier 1954, quelques semaines après le refus de l'Assemblée, entre 2 messes, on informe l'abbé d'un nouveau drame. La veille, une femme a été retrouvée morte sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Dans sa main droite, elle tenait encore l'arrêté d'expulsion. À l'aide d'un ami, l'abbé Pierre griffonne un appel à la solidarité. Il le dicte au rédacteur du journal Parler, puis prend la route des studios de Radio Luxembourg. À 13h, les Français entendent ces mots. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Ce 1er février 1954, grâce à la radio, l'abbé Pierre entre dans le foyer de tous les Français. Quelques heures après cet appel, à l'hôtel Rochester, où il a donné rendez-vous, c'est une file indienne improbable et sans fin d'élégantes et de ménagères, d'ouvriers et d'employés qui viennent déposer des boîtes de conserve, des couvertures, du bois de chauffe, des habits pour les sans-logis. À partir de cette date, chaque soir, ils sont des centaines à rejoindre le sommet de la montagne Sainte-Geneviève, où une grande tente a été disposée pour accueillir les malheureux et les bénévoles. Chaque nuit, des convois de voitures, de taxis ou de bus sillonnent les rues à la recherche des « couches d'or », comme l'abbé Pierre aime les appeler. Les jours et les semaines passent, et l'insurrection de la bonté, selon la formule de l'abbé encore, se poursuit. En plus des dons les plus divers et des coups de main du soir, ce sont les chèques d'anonymes ou de personnalités comme Charles de Gaulle, Vincent Auriol et même Charlie Chaplin qui arrivent par centaines au guichet de l'hôtel Rochester, devenu le temps de cet hiver, le PC de secours des sans-logis. Face à l'émotion et à la réaction de générosité, le gouvernement élabore, à la hâte, un plan d'urgence pour la construction de 12 000 logements. Le temps d'un hiver, les sans-logis sont sortis de l'ombre. 52 ans plus tard, le 16 décembre 2006, alors que Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal débutent leur campagne pour la présidentielle, un grand homme longiligne, à la barbe fine et aux cheveux courts, crie de nouveau au secours, au nom des sans-logis, son nom, Augustin Legrand. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on réclame? On réclame des toits adaptés pour tous les SDF qui dorment dehors. On réclame la fermeture des centres d'hébergement d'urgence, qui sont insalubres, inadaptés. En centre d'hébergement d'urgence, on n'a pas de domicile, on ne peut pas trouver un travail, on ne peut pas refaire ses papiers. Les SDF en France aujourd'hui ont 43 ans d'espérance de vie et on fait un appel à tous, à nous rejoindre pour camper par solidarité ce soir, demain soir, après-demain soir. Tous les Français dorment dehors par solidarité. Merci. Sur un pont du canal Saint-Martin à Paris, sous une pluie fine et froide, devant des dizaines de tentes rouges plantées les unes après les autres sur le pavé, Augustin Legrand et ses enfants de Don Quichotte projettent à partir de ce jour de décembre 2006 la lumière et les regards sur la situation des sans-abri. Et ils en font l'un des sujets importants de la campagne présidentielle de 2007. Les Français ont-ils répondu à leur appel ? L'aventure des Don Quichotte commence à la fin du mois d'octobre 2006. Accompagné de deux amis, Augustin Legrand dort pour la première fois dehors. Ils ne sont ni SDF, ni chômeurs, ni travailleurs pauvres, mais ils décident de dormir auprès des sans-abri, de vivre ces nuits dans le froid et l'insécurité pour comprendre leur situation, récolter leurs paroles. Car habituellement, notre rapport avec les sans-domicile fixe se limite souvent à baisser la tête, à chercher quelques pièces au fond d'une poche et parfois à prendre un peu de temps pour leur parler, les aider. Augustin Legrand leur a toujours parlé, mais désormais il veut faire plus. L'idée des enfants de Don Quichotte est peut-être née pendant l'été 2005, quand à l'ouverture de Paris-Plage, la ville a prié les SDF de sortir du cadre de la photo. Quelques mois plus tôt, pendant l'hiver 2005, l'ONG Médecins du Monde avait profité d'une nouvelle invention baptisée la tente 2 secondes pour lancer une opération humanitaire dans la capitale. À défaut d'un toit, MDM offrait une toile aux SDF pour qu'ils se protègent des intempéries, mais aussi pour que les passants les voient désormais. Chaque jour, sous les ponts et les berges de la Seine, on remarque une, deux, puis trois, quatre, cinq tentes en file indienne. Grâce à elles, la misère imprègne le territoire et sort de l'ombre. Et pendant l'été 2006, sur les quais, l'heure est aux festivités dans la capitale. Alors on demande à ces gens de quitter les lieux. La mairie, ainsi que le gouvernement, par la voix de sa ministre déléguée à la cohésion sociale, Catherine Vautrin, annonce l'ouverture de nouvelles places d'hébergement et convoque le banc et l'arrière-banc des associations. Une mission sur la situation des SDF de Paris est donc mise en place. À la rentrée, le rapport est rendu public et met en avant les mauvaises conditions d'accueil dans l'hébergement d'urgence, l'insécurité, le manque d'hygiène et d'intimité, ainsi que l'impossibilité de rester plusieurs jours dans un centre, ce qui rejette de facto les victimes dans la rue. Face à cela, Catherine Vautrin annonce l'ouverture de 1100 places supplémentaires dites de « stabilisation » d'ici la fin de l'année. Entre-temps, Augustin et ses compagnons lancent l'idée des enfants de Don Quichotte. Comme le héros des Cervantes, ce comédien et ses amis sont des rêveurs idéalistes, un peu fous sans doute, car aucun n'est du sérail de l'humanitaire ou des associations. Quand ils partent en route, le chemin n'est pas véritablement connu. Ils ont une caméra, un peu d'argent prêté par des amis et un site web sur lequel on peut lire ces mots. Seront appelés enfants de Don Quichotte tous les hommes et femmes décidés à se mettre en danger pour combattre l'injustice sociale et restaurer la dignité des personnes, décidés à se mettre en danger pour sauver les principes fondateurs de notre démocratie et faire respecter les droits humains élémentaires. À partir d'octobre, ils dorment chaque soir dehors. Lors de leur première nuit, c'est près de la banque postale du Louvre que les SDF donnent les premiers conseils pour le choix du carton, l'emplacement où se poser et l'heure où il faut quitter les lieux. Jour après jour, les enfants de Don Quichotte les interrogent, enregistrent leurs paroles, puis les publient sur Dailymotion. Lui, par exemple, il s'appelle Stéphane, il a 18 ans. Il a vécu 2 ans dans la rue, a connu le foyer, la violence contre sa mère, puis il a sombré dans la rue. Ben voilà, je m'appelle Stéphane, j'ai 18 ans. Je me suis retrouvé dehors parce qu'avant, ma mère, elle avait un logement, mais depuis que son mari l'a quitté, elle avait pété un plomb. Moi, j'étais dans un foyer pendant 2 mois. Ma mère a été restée un peu, puis après, ça s'est mal passé, donc elle a été dans la rue. Et moi, je voulais pas laisser ma mère dans la rue, donc je l'ai suivie. Et voilà, et moi, le métier que je veux faire, c'est... Vu que j'ai pas de diplôme, c'est n'importe quoi. Un mécanicien, ouvrier, n'importe quoi. Voilà. Et là, ma vie dans la rue, franchement, c'est la merde. Le plus difficile, c'est les gens qui t'ignorent quand tu leur parles. C'est la rue qui me rend violent. C'est quand tous ces connards, ils passent, ils t'insultent, ils te disent t'es un clochard, t'es ceci, t'es cela. Tu leur demandes une pièce, ils disent va travailler, jeune con. Et s'ils croient, si j'aurais dû travailler, j'aurais déjà été travailler. Et mon pote, je vais travailler comme ça. Patron va me faire avec, casser. Pendant 6 semaines, Augustin et ses premiers enfants de Don Quichotte arpentent la capitale, rencontrent des jeunes gens qui ont perdu des parents avant de perdre leur toit et qui ne peuvent trouver un travail, évidemment, sans un numéro ou une adresse à indiquer sur un CV. Ils écoutent aussi les histoires de ces retraités qui, après des années à travailler, ne peuvent plus vivre dans un logement à Paris et ils enragent devant la précarité des travailleurs pauvres, le parcours de ces hommes et de ces femmes au corps ou à l'esprit malade qui ne peuvent être soignés. En novembre, les enfants de Don Quichotte rencontrent, par exemple, Momo, 67 ans, la chevelure longue et blanche, le mot fier. J'ai fait l'armée française, j'ai été commando français, et maintenant on est à la merde. C'est quoi ça? Je suis SDF, je suis à la rue, ça fait 15 ans que je suis à la rue, et j'ai dormi 8 mois à l'avenue de Ménil, et j'ai téléphoné au SAMU Sucé, il n'y a pas de place. À 63 ans, il n'y a pas de place. Quand la nuit tombe et que les magasins ferment, ils sont des centaines à sortir des bouches de métro, des bibliothèques ou des grands magasins. Ils prennent un carton sec, puis s'installent seuls ou avec un ou deux compagnons d'infortune, jusqu'à l'heure où le métro et la ville se réveillent. La petite idée des enfants de Don Quichotte est simple. Pour être entendu, il faut que ces hommes et ces femmes sans abri se rassemblent dans un lieu, une place symbolique, que les bien logés les accompagnent et qu'ensemble, ils exigent des solutions durables pour que l'État, comme le précise le préambule de la Constitution de 1946, garantisse, je cite au mot près, à tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique et qui se trouve dans l'incapacité de travailler, ait le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenable d'existence. Pendant tout le mois de novembre, les premiers enfants de Don Quichotte impriment des flyers qu'ils distribuent aux SDF, mais aussi aux bien logés. Ils leur donnent rendez-vous dans un lieu symbolique le 2 décembre. Malheureusement, si Paris n'a pas assez de toits pour ses démunis, ses murs ont des oreilles. Et quand Augustin et ses compagnons arrivent à la Concorde, les CRS les attendent. Ils partent alors vers la Bastille. Là, même tableau, circulez. Mais 14 jours plus tard, ce sont les forces de l'ordre qui sont prises de court. À 11h, le 16 décembre 2006, plusieurs dizaines de bien logés et de SDF sortent d'un immeuble du Kejemap, une tente rouge dans la main. En quelques minutes, ils en installent une centaine sur le bord du canal. Allez, on tire. On tire sa tente, les gars. Chacun tient sa tente. Sur certaines d'entre elles, on peut lire SDF. La police laisse faire, les caméras débarquent. Le 17 décembre, les tentes des enfants de Don Quichotte font l'ouverture des 20h. Le 18, Jean Rochefort, le Don Quichotte maudit de Terry Gilliam, comme un symbole, est sur place. Ça doit disparaître et le plus vite possible. Il faut que ces gens-là aient le plus vite possible un domicile. Avoir un domicile, c'est reprendre confiance en soi et c'est exister à nouveau. Et c'est sauver des gens. Il y a deux choses qui me révoltent en France, entre autres, ce sont nos prisons et ce sont les SDF. Tout ça n'est pas possible. J'ai passé quelques décennies sur la planète et c'est l'âge de la révolte maintenant. C'est de dire, merde, je vais pas partir alors que ça perdure, c'est pas possible. À côté de Jean Rochefort, ils sont des centaines, inconnus ou non, à se relayer sur le canal pour amener un peu de nourriture, des couvertures ou pour dormir auprès d'eux, une nuit, voire plus. Les jours passent, la vie s'organise entre conférences de presse, distribution de vivres. À quelques kilomètres de là, dans les couloirs du ministère de la Cohésion sociale, on réagit d'abord froidement à cette opération. Sa ministre, Catherine Vautrin, la qualifie de poudre aux yeux. Oui, selon elle, cette association inconnue jusqu'alors ne propose rien pour combattre l'exclusion de ces gens. Le lendemain, Augustin Legrand lui répond. On veut faire croire que les centres d'hébergement d'urgence, ça respecte les principes de dignité humaine qui sont inscrits dans la Constitution, c'est faux. Toutes les associations le disent. Moi, je suis désolé. Il faut des logements adaptés pour ces gens-là. Et si on leur propose des logements adaptés, ils iront dans ces logements adaptés. Alors, je comprends pas. Ces gens-là, ils peuvent être réinsérés. Nous, on a des alcooliques sur le campement. On a des toxicomanes sur le campement. Depuis qu'ils sont là, qu'ils ont une fonction, qu'ils sont responsables et qu'ils ont un espoir, ils ont diminué leur consommation d'alcool par 3. Ici, en été, il y a 10, 40 plaintes tous les soirs de riverains pour potapage nocturne. Là, depuis qu'on est arrivé, il y a eu 0 plainte. Ces gens, ils sont capables d'être propres, dignes, silencieux. Il suffit juste qu'ils aient un espoir. Là, on leur donne un espoir. Moi, ce que je veux, c'est un nouvel hiver 54. Pacifique, digne, que les bien logés, que les logés sortent dehors avec des tentes, s'installent, ils seront en sécurité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. En quelques jours, les enfants de Don Quichotte squattent les journaux de la radio 7h, 8h, 13h, 20h, 22h. Augustin Legrand, le comédien, devient porte-parole sur les plateaux de télé. Il passe du canal à Canal+, des studios de radio à ceux de chaînes d'information, et grâce à eux, les SDF racontent les conditions de vie dans les centres d'hébergement d'urgence dans lesquels l'on ne peut demeurer que quelques jours. Ils décrivent des lieux insalubres et souvent dangereux. Ces hébergements ne sont que des toits d'urgence quand le froid est trop vif, mais rien n'est fait pour qu'ils quittent la rue, qu'ils trouvent un travail ou qu'ils se soignent. Face à cette mobilisation, les travailleurs sociaux et les professionnels associatifs qui viennent en aide aux SDF depuis des décennies sont d'abord sceptiques, puis ils acceptent de rencontrer cette nouvelle association. Alors, ensemble, le 24 décembre, ils rédigent une charte de propositions qui fait consensus et qui dépasse les logiques divergentes. Article 1. Ouvrir les structures d'hébergement 24 heures sur 24. Article 2. Tout accueil en hébergement doit mener à une solution stable. Article 3. Créer immédiatement une offre de logement temporaire. Article 6. Rendre le droit au logement opposable sur tout le territoire. Deux jours après Noël, les candidats à la présidentielle entrent dans la danse. Et c'est Nicolas Sarkozy qui prend position le premier. Via une lettre envoyée à la presse, le président de l'UMP qualifie d'échec indigne de notre pays le fait que plusieurs milliers de personnes soient sans abri et il annonce qu'il charge l'avocat Arnaud Klarsfeld d'une mission sur la situation des SDF. Ségolène Royal, elle, hésite. À l'inverse de son adversaire, qui à l'automne avait déjà promis le zéro SDF, elle se refuse de prendre un engagement qu'elle ne pourra pas tenir. Au sein de son programme, il y a à peine une trentaine de lignes sur le logement, d'ailleurs. Le même jour, c'est la ministre de la Cohésion sociale qui annonce des premières mesures, dont l'élargissement de la durée des plages horaires des centres d'urgence la semaine et l'ouverture 24 heures sur 24 le week-end. Elle promet également de multiplier par 3 les places dites de stabilisation dans les mois qui viennent. Le 31 décembre 2006, lors des traditionnels vœux de fin d'année, le président de la République confirme la tendance. Ce soir-là, ils sont des centaines à se regrouper sous une grande toile installée aux abords du canal pour célébrer la nouvelle année et pour écouter le président faire une annonce inattendue. D'ici aux élections, j'aurai une double exigence. Que le gouvernement soit au travail, à votre service, pour la sécurité, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat. Et que ces mois soient aussi des moments de débat ouverts, démocratiques et responsables, en donnant toute sa place au dialogue social. Des réformes importantes sont devant nous pour aller beaucoup plus loin dans la baisse du chômage, pour faire de la participation un véritable projet de société, pour donner plus de puissance à nos entreprises, pour mettre en place un véritable droit au logement opposable, c'est-à-dire faire du droit au logement une réalité. Et je demande au gouvernement d'avancer sur ce point dans les toutes prochaines semaines. Est-ce que ces vœux seront tenus avant la fin du mandat de Jacques Chirac ? Quand les tantes quitteront-elles le canal Saint-Martin ? Quand les enfants de Don Quichotte rentreront-ils chez eux ? Autrement dit, et c'est bien là la question centrale, les SDF retrouveront-ils un toit ? Canal Saint-Martin au ministère de la Cohésion sociale, les enfants de Don Quichotte ont fait une grande enjambée hier. Au terme d'une rencontre de plus de 4 heures avec Jean-Louis Borloo, leur charte a été adoptée. Elle réclamait l'ouverture en continu des structures d'accueil pour les SDF, l'augmentation du nombre de logements sociaux et l'instauration d'un droit au logement opposable, pari réussi. Moi, je suis là pour faire la révolution, je ne suis pas là pour, pour savoir si c'est bon ou pas. Maintenant, je crois qu'on a des techniciens là-haut qui sont avec nous et qui sont assez forts et qui disent que c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Voilà, maintenant, on attend de voir. Je vous dis, si c'est pas ou mal appliqué, là, c'est pas des tentes qu'on va mettre sur le canal Saint-Martin, on va mettre des bungalows. Allez, on tire, on tire. En quelques semaines, les tentes du canal Saint-Martin à Paris font des émules dans les villes de France. Quelques-unes, ici et là, émergent à Nice, Lyon, Aix. Cette île avec plus ou moins de succès, c'est vrai, mais l'initiative est là, tout de même. Pendant que le logement et la situation des SDF deviennent un sujet désormais abordé dans les meetings des candidats à la présidentielle, le gouvernement reçoit, consulte, écoute pour imaginer une sortie de crise. Le 3 janvier, le Premier ministre Dominique de Villepin présente en conférence de presse son projet de droit au logement opposable. Il propose que la mesure soit effective dès la fin de l'année 2008. À cette date, ce nouveau droit ne bénéficiera qu'aux personnes les plus vulnérables, SDF, travailleurs pauvres, femmes isolées avec enfants. Les pouvoirs publics seront tenus de leur donner un toit. Si l'État ne trouve pas de solution, il pourra être poursuivi devant la justice administrative. En 2012, la mesure s'étendra à l'ensemble des personnes logées dans des habitations insalubres ou indignes. Le 8 janvier 2007, le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, présente son plan en faveur des SDF. Il promet la création de 27 100 places pérennes, dont 3000 logements HLM attribués prioritairement aux SDF, 9000 places dans les maisons relais, 4500 dans les centres d'hébergement et de réinsertion, 5000 dans les centres d'hébergement de stabilisation avec chambre de deux personnes ou individuelles, ouvertes 24 heures sur 24. Après ces annonces, les différentes associations saluent les avancées et le changement radical de la politique du gouvernement. Après 23 jours d'occupation du canal, Augustin Legrand demande la levée du camp. Un changement radical de politique concernant les sans-abri et la certitude qu'un droit au logement opposable sera adopté prochainement dans un vrai esprit de consensus politique et associatif nous conduit à une sortie de crise immédiate. Il s'agit d'un contrat de confiance, un plan d'urgence est mis en œuvre dès aujourd'hui, et nous démarrons immédiatement le processus qui nous conduira le plus vite possible à la fin des campements. Alors moi j'ai un avion à prendre dans une heure, je suis obligé de vous abandonner les amis. Merci à tous les SDF, merci à tous les amis sur le campement, et puis merci à la presse pour ce tsunami médiatique qui a permis cette prise de conscience collective. Pourtant, dans les jours qui suivent, les tentes ne quittent pas les lieux. Car pour certains SDF, les promesses ne sont, pour l'instant, que des mots. Eux souhaitent des actes et des moyens pour quitter la rue. Certains acceptent la chambre d'hôtel, le départ pour un hébergement de stabilisation. D'autres ne reçoivent que des réponses non adaptées et refusent alors de quitter la rue. Les Don Quichotte décident donc de rester. Si Augustin est désormais en tournage en Afrique du Sud, c'est son frère Jean-Baptiste, président de l'association et présent depuis le premier jour, qui prend la relève, qui fait le lien avec les gens du canal et les autorités, qui discute, qui imagine des solutions. Mais le 22 janvier, comme un signe du destin, c'est une triste nouvelle qu'apprennent les gens du canal. À 94 ans, ce jour d'hiver 2007, l'apôtre de la charité s'en est allé. L'abbé Pierre est mort. Sur le canal, on interroge Jean-Baptiste Legrand. Beaucoup l'ont appris au réveil avec l'arrivée des caméras. Mais Denis, lui, l'a appris par un automobiliste qui a baissé sa vitre ce matin pour le lui dire. L'abbé Pierre est mort. Il va manquer à tous les sans-abri et à tous ceux qui aujourd'hui les aident à s'en sortir. C'est un symbole qui est parti ce matin, explique Jean-Baptiste Legrand, le porte-parole des Don Quichotte. C'est quelqu'un qui s'est battu énormément pour les sans-abri, pour les SDF. Et je crois que c'est pas anodin qu'aujourd'hui il s'éteigne. Je pense qu'il faut vraiment continuer la lutte, il faut reprendre son combat, il faut faire en sorte que les gens aujourd'hui comprennent qu'il y a un vrai problème, que l'exclusion c'est quelque chose de grave. Et oui, on n'a pas réussi à recréer l'hiver 54, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse emballée médiatique, mais au niveau citoyen, les gens finalement se sont pas mobilisés comme nous on l'espérait. Quand on disait qu'on voulait l'hiver 54, on voulait 100 000 personnes dans la rue qui disent oui, on en a marre. On en a eu quelques milliers, ce qui est bien. Mais malheureusement, est-ce qu'on a encore le courage qu'a eu l'abbé Pierre à ce moment-là? C'est pas sûr. Après 2 mois de mobilisation et d'annonces, le mouvement oscille entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Car si les caméras et les micros ont été présents en masse, c'est vrai, les Français, eux, n'ont été qu'une poignée à descendre dans la rue, à dormir auprès des sans-abri ou à les inviter chez eux. Le président, lui, a fait des promesses, celles d'une loi qu'il souhaite promulguer avant son départ. Le 21 février, le texte instituant un droit au logement opposable est voté à l'Assemblée. Les députés UMP et UDF ont voté pour, la gauche s'est abstenue. Le 5 mars 2007, la loi est publiée, le droit au logement opposable devient une réalité. Quelques semaines plus tard, via un communiqué de presse, Jean-Baptiste Legrand annonce que les enfants de Don Quichotte se retirent du canal Saint-Martin et indique, je cite, « Certes, tout n'a pas été réglé, des milliers de sans-abri continuent à dormir dans nos rues dans des conditions indignes, mais le pas qui a été franchi cet hiver est cependant un pas majeur dans l'accueil des SDF et la loi sur le droit au logement opposable permet d'espérer un avenir meilleur. » Le printemps pointe son nez, Jacques Chirac quitte l'Élysée, Nicolas Sarkozy le remplace. quelle sera la situation dès que le froid reviendra? À la rentrée de septembre 2007, alors que la période politique est à l'ouverture, on apprend dans la presse que Christine Boutin, nouvelle ministre du Logement et de la Ville, a proposé à Augustin Legrand d'intégrer son cabinet. L'homme a rejeté l'invitation et déclaré dans la presse qu'il ne pensait pas être le meilleur pilote pour le plan Grand Froid, mais il le promet, il restera vigilant quant à la mise en place des promesses du début d'année. À la fin du mois de septembre, il manque encore 14 000 places d'hébergement sur les 27 000 promises par le gouvernement. Fin octobre, son association adresse une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy pour lui demander d'accorder un budget supplémentaire d'au moins 1 milliard pour le logement et l'hébergement. Le 2 décembre, dans un entretien au journal du dimanche, Augustin Legrand menace cette fois le gouvernement d'installer un nouveau camp pour mettre à l'abri ce que l'État abandonne de nouveau. Le 15 décembre 2007, la veille de la date anniversaire de l'installation des tentes au bord du canal Saint-Martin, ils sont des dizaines en déplié, des rouges, aux abords de Notre-Dame. La presse est là, tout comme la police. On encercle ceux qui viennent de s'installer, certains tombent à l'eau. L'opération n'aura pas duré une heure et dans une violence rare. À 13h, sur le plateau de France 3, Augustin Legrand réagit à cette évacuation. Absolument, on est choqués, il y a des gens qui sont tombés à l'eau, il y a des femmes qui se sont fait taper, il y a la lacrymo qui a été faite au bord de l'eau. C'est un scandale, on porte un diagnostic, qui est le diagnostic des associations, on porte les diagnostics des experts qui ont été posés sur le bureau de M. Sarkozy, 37 mesures, pour éviter qu'il y ait des nouveaux sans-abri cette année, pour que le droit au logement posable soit applicable, et notamment... pas juste un outil juridique pour qu'il y ait 800 000 demandeurs en 2008 et 60 000 logements en face. Madame Boutin nous parle d'un tableau de bord, elle nous parle de nouvelles mesures. Rien n'est chiffré, rien n'apparaît dans la loi de finances. Est-ce que c'est normal? C'était des promesses qui ont été faites la larme à l'œil l'an dernier. Madame Boutin est venue sur le canal en pleurant. Sur les 27 100 places, il n'y en aura que 14 000 de disponibles à la fin de l'année. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que sous prétexte que ces gens n'aient pas de voix? Est-ce que c'est normal que sous prétexte que ces gens ne soient pas représentés et qu'ils ne puissent pas brûler des bateaux ou bloquer des universités, on ne tienne pas ces promesses? Le lendemain, le gouvernement annonce qu'il recevra dans les prochains jours les différentes associations d'aide aux sans-abri. L'hiver revient, la neige tombe, comme les annonces, mais dehors encore dans des tentes, sous des ponts ou sur les bords du périphérique, des hommes, des femmes et des enfants vivent dans la rue. Alors, on se souvient des premières vidéos des enfants de Don Quichotte diffusées sur leur site internet, portant entre autres le témoignage de Lisiane. De temps en temps, sur SDF, pas toujours, mais de temps en temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai eu des dettes, je pense que c'est ça vient de là finalement, j'ai eu presque 20 millions de dettes, j'ai eu des difficultés, j'ai perdu mon travail. Vous auriez pu imaginer un jour que vous seriez tombé SDF? Ah non, pas du tout, non, non, en toute vérité, non, pas du tout. Je pense que d'être SDF, il y a un côté qui est très chaleureux quand même, entre les gens qu'on ne voit pas à l'extérieur. Vous savez, tout le monde se donne dans la main en tant qu'SDF, et ça c'est formidable, quelqu'un qui est... Parce qu'on ne doit pas juger quelqu'un qui a eu des problèmes, parce que c'est trop facile à mettre une étiquette sur quelqu'un qui dise « Merde, elle n'a pas réussi, ça y est, elle a eu des échecs. » Vous vous dites « Pourquoi j'ai eu tant d'échecs dans la vie ? » C'est peut-être moi qui a mal géré ma vie ou quoi que ce soit. Il y a peut-être quelque chose qui n'allait plus, quoi. Des gens sensibles, vous savez, il faut peu de choses hein, pour les... C'est pour ça qu'il faut être fort. Moi, je sais que je suis très sensible, parce que moi, le moindre truc, je me mettrais à pleurer. Mais je me dis « Il faut être forte. » Qu'êtes-vous devenu Lisiane? Et vous, Stéphane, Momo, Marc, Francky, Ahmed, Jean, où passerez-vous la nuit cet hiver? Les enfants de Don Quichotte espéraient un nouvel hiver 54. La misère a répondu présent, le gouvernement et les Français, un peu moins. Sur tes bancs, je regarde tes monuments, je traîne. tu m'as renversé, Paris tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, t'es nul, Paris, Paris, perdu, Paris tu m'as laissé. Sur ton pavé. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les enfants de Don Quichotte, notre invité Tonino Serafini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, notre partenaire, et vous êtes en charge notamment des questions de logement. Et en 2006, vous avez suivi toute cette mobilisation. Déjà, en écoutant le récit, vous avez retrouvé cette atmosphère qui était quand même assez formidable, parce que il se passait quelque chose. Alors on se disait, bon, c'est un beau combat. Est-ce qu'ils vont gagner? Ça, c'est autre chose. Mais il se passait quelque chose. Mais oui, parce que ce que réussissent les enfants de Don Quichotte, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'une part, ils réussissent à fédérer des SDF, ce qui n'est pas du tout évident, parce que la rue, c'est un peu chacun pour soi. On est seul, à deux ou à trois, mais pas plus. Donc, un mouvement de SDF, ça n'existe pas. Et puis, par ailleurs, effectivement, comme vous l'avez dit dans le récit, parfois on passe devant des personnes qui sont à la rue, parfois on s'arrête, parfois on discute avec eux, et puis chacun se demande ce qu'il peut faire. Et là, l'idée des enfants de Don Quichotte, c'est de dire, mais on peut pas laisser les personnes sans abri seules. Les personnes sans abri, c'est pas un groupe de pression. Bien c'est sûr. Pas des gens qui sont représentés par une organisation, qui ont 50 ans, qui ont une montre Rolex, comme disait un publicitaire, et qui ont réussi leur vie. C'est des gens qui sont dans la difficulté, et finalement, les politiques publiques s'intéressent à eux, mais vraiment à la marge, après tout le reste, parce que précisément, personne n'est là pour dire au pouvoir public, voilà, il y a un énorme problème qui est une sorte de scandale quand même, parce que aujourd'hui, tout le monde s'indignerait si quelqu'un n'était pas accepté dans un hôpital, dans un service d'urgence. Est-ce que c'est pour vous une atteinte à la dignité de ce pays ? Ah mais, comme ça pourrait l'être pour d'autres pays d'ailleurs. Mais... Ah mais totalement, il faut quand même imaginer ce que c'est que de dormir une nuit, deux nuits, trois mois, six mois à la rue. L'espérance de vie à la rue, c'est 49 ans. Dans un pays où l'espérance de vie est de 82 ans en moyenne. Donc, c'est ça la rue. La rue ne tue pas quand il fait froid. La rue tue au jour le jour. Chaque jour, on perd un peu de sa vie à la rue. Alors, vous avez rencontré Augustin Legrand, vous étiez l'un des premiers journalistes à l'avoir rencontré quelques semaines avant l'installation du campement du canal Saint-Martin. Racontez-nous cette rencontre. Qui était cet homme avant les Don Quichotte? D'où venait-il? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, pour son projet, comment ça s'est présenté? Il m'a appelé plusieurs fois au journal en me disant, voilà, je suis comédien, voilà, je ne supporte pas de voir tant de misère dans les rues, des gens qui dorment dehors, voilà, je voudrais faire quelque chose. Il parlait de faire un film, et je crois que, non, c'est pas que je crois, c'est sûr. Son exemple, c'était la prise de conscience qu'avait suscité le film Indigène de Rachid Bouchareb, qui racontait l'histoire. C'est pas le même sujet, mais c'est pas le même sujet. Mais c'est quand même un sujet qui a à voir avec des soldats d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, qui avaient combattu pour la France sur les fronts européens, qui l'avaient payé de leur vie, qui après ont été oubliés et qui plus est, pour ceux qui avaient survécu, ne touchaient pas les mêmes pensions que les soldats franco-français, je ne sais pas comment on les appelait. Et Et ce film a révélé ce problème-là, le fait que de la manière très indigne dont on traitait ces gens-là. Et Augustin Legrand, au départ, il a l'idée de faire un film pour réveiller les consciences, pour dire « mais c'est pas possible, chacun d'entre nous est au fond de soi indigné par la situation, mais... voilà, c'est une indignation qui reste une indignation intérieure. Et il faut faire éclater tout ça. Et un film pourrait le faire. Voilà. Et ça commence comme ça, l'histoire. Et c'est pour ça que, avant même les campements, il commence à faire où il se jette dans la Seine. Voilà, il saute d'un pont de la Seine pour c'est un acte très fort pour lui pour attirer l'attention sur la question SDF. Parce qu'il fallait attirer l'attention parce que Médecins du Monde, et on l'a dit hein, dans le récit, avant l'opération des enfants de Don Quichotte, avait lancé, c'était un an plus tôt d'ailleurs, une opération servant de tente aussi. Ça avait fait la une de Libé, hein, oui. Votre journal. Mais enfin bon, ça avait pas pris quoi, de façon médiatique. Pourquoi ça avait pas pris? Parce qu'elle était belle aussi cette initiative. Donc il faut interpeller, faire un coup comme on dit. Alors pour la bonne cause, hein, oui. Pour une fois. C'est ça, il faut... En fait, MDM avait dit, il faut rendre les SDF visibles. Ouais. Et on les rend visibles, eh bien, en leur donnant des tentes. Et ils mettent des tentes dans l'espace public. Et là, pour le coup, ça commence à se voir. Et ce qui est fort chez Augustin Legrand, c'est que lui, il ne met pas une tente ici et là. Il en met 300 sur le canal. Eh oui. Et là, si vous voulez, on parlait du film tout à l'heure, ben là, ça devient un décor, quelque chose qui plante le décor de l'état de la précarité en France. Alors, je tout en vous écoutant, je me remémore aussi un film d'ailleurs. Pour le coup, ça n'était plus qu'un projet, c'était une réalité. Un film qui s'appelait L'Époque Formidable, avec Gérard Jugnot et Tiki Olgado. Voilà, j'ai retrouvé le nom du comédien, et qui était un film très tendre, hein, très beau. Bon, voilà, mais un film ne change pas forcément le monde. En revanche, les enfants de Don Quichotte, ben oui, ils ont eu cette inspiration. Ils ont su cibler les problèmes. Alors déjà en termes de com, c'est de la com positive. Et puis ils ont su cibler les problèmes au sein des centres d'hébergement et des politiques publique. Après avoir été regardé de travers par les professionnels, ils ont su également rassembler les associations autour d'une table et imaginer une charte commune. Alors on va écouter une archive, un extrait d'une conversation entre Augustin Legrand et les associations. C'est un extrait du documentaire intitulé « Enfants de Don Quichotte, acte 1 », réalisé par Ronan Dénessé, Augustin et Jean-Baptiste Legrand. On n'est pas des spécialistes, et c'est ça que je dis depuis le début. Moi, je suis pas un spécialiste du tout de la misère. J'ai été sensibilisé par des rapports que j'ai lus, par Emmaüs, par le DAL, par ce genre de choses, par le Secours catholique populaire, par tout le monde qui est ici. Moi, ça, je me suis dit, mais c'est de l'évidence. Et sous prétexte qu'il y a des divergences entre vous, les politiques se permettent de dire, mais non, c'est pas la qualité des centres d'hébergement d'urgence qui compte, c'est justement de convaincre les gens d'aller dans ces centres d'hébergement d'urgence. Non, ça veut dire quoi? Nous, on cherche pas autre chose qu'avoir des propositions justes, vraies, radicales, parce que la situation l'exige. Mais en même temps, pas utopiste pour le plaisir de se faire plaisir et pas idéologique. En gros, les revendications des enfants de Don Quichotte, c'est un logement pour tous, avec évidemment le droit au logement opposable comme point de mire. Ensuite, que tous ces gens-là qui sont à la rue aient un logement adapté en fonction de leurs besoins, qui va du logement classique en appartement au centre d'hébergement longue durée, avec des spécialistes, des psychologues, des alcoologues, accompagnement adapté aussi. D'accord. Est-ce que les associations, disons classiques, ou d'aide et de soutien aux plus démunis, se sont senties un peu dépassées avant finalement de travailler avec les enfants de Don Quichotte? Bien sûr que oui, parce que ils débarquent vraiment dans leur domaine. En fait, les associations, elles travaillent, mais elles travaillent en silence. Parce qu'ils ont des conventions avec les pouvoirs publics. Mmh. Les pouvoirs publics financent les centres d'hébergement. Donc, franchement, leur liberté est parfois toute relative quand même. Hein, parce qu'il faut discuter des crédits qu'on a l'année d'après. Hein. Donc, et eux arrivent avec une liberté totale. Et quand même, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que ce sont des gens qui font ça, qui ne sont issus ni du milieu politique, ni du milieu associatif. C'est vraiment l'initiative de 3 ou 4 personnes. C'est tout à fait extraordinaire. Et donc, les associations, au départ, elles se disent « mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ?» etc. Et puis, lorsque elles se rendent compte que quand même... avec la mobilisation qu'il suscite quand même, hein, les prises de conscience qu'il suscite, les associations se rendent compte qu'elles ont intérêt à travailler avec eux, parce que eux portent un message et elles portent une expertise quand même. Oui, ça fait une belle alliance. Ça fait une belle alliance. Absolument. Alors, tout cela débouche, j'allais dire quand même, parce qu'on sait, oui, quand même, parce que malheureusement, il y a encore des SDF, on les voit tous les jours en bas de chez nous. Mais enfin, c'est quand même un mouvement qui débouche sur quelque chose de concret, ce fameux droit opposable au logement. Donc finalement, Jacques Chirac finit par le proposer, c'est voté. Est-ce que ça faisait consensus au niveau des associations, cette initiative? Comment c'était abordé? Est-ce qu'on se disait... Voilà, une réponse légale de l'État. Un problème que l'État a du mal jusqu'à maintenant à gérer. Alors, le DALO, il est né dans le milieu associatif, parce que dans bien des domaines... Mais ça s'appelle le DALO, effectivement. Le DALO, ouais, droit au logement opposable. C'est le droit. Parce que le milieu associatif, il est inventif, il est créatif. Et c'est effectivement des gens qui sont confrontés à un problème, ils se disent, mais comment on peut le résoudre autrement que par les politiques publiques habituelles? Et donc l'idée a germé au sein d'ATD Quart-Monde. De dire, eh bien, puisque... les pouvoirs publics ne logent pas tout naturellement lorsque le besoin est là, eh bien, il faut leur opposer un droit, une obligation à le faire. Et les associations portaient ça. Et les journalistes qui, à l'époque, s'occupaient du logement étaient régulièrement convoqués à deux conférences de presse. On n'était vraiment pas nombreux, franchement. Bah vous justement, comment vous ressentiez la chose? Ah, mais moi, je me disais, c'est formidable, mais en même temps, à force de travailler sur ces dossiers-là, je m'étais rendu compte quand même qu'à chaque fois, le droit au logement butait sur quelque chose, c'était sur le droit à la propriété, vous voyez? C'est-à-dire? Eh bien, voilà, aujourd'hui, il y a des immeubles vides et des gens dehors, c'est absurde quand absurde. Même. D'accord. Intolérable. Intolérable. On est d'accord. Oui, mais le droit de la propriété fait qu'on a le droit aussi de garder un immeuble vide. Mais oui. Voyez et constitutionnel, en termes de hiérarchie du droit, si l'on veut, le droit de propriété prime toujours sur le droit au logement. Le droit de propriété est un droit constitutionnel, alors que le droit au logement n'est qu'un droit de valeur constitutionnelle. C'est une subtilité sémantique, mais on voit bien qu'il y a une hiérarchisation et donc que les immeubles passent avant les hommes. C'est très clair. Alors, arrive Nicolas Sarkozy en 2007, il est élu président de la République et... Les promesses sont pas tenues, ce qui arrive parfois en politique. Les enfants de Don Quichotte menacent, puis tentent de relancer le mouvement avec des tentes. Le 15 décembre 2007, vous étiez sur place près de Notre-Dame quand l'opération a été violemment interrompue par les forces de l'ordre. Racontez-nous cette soirée. Alors là, ce jour-là, c'était incroyable parce que les manifestants n'étaient pas très nombreux quand même. En revanche, les forces de l'ordre l'étaient bien plus. Et on se retrouve vraiment au bord de l'eau, quoi. Et avec les enfants de Don Quichotte et leurs sympathisants qui tentent d'installer un campement en face de Notre-Dame. Et là, les forces de l'ordre interviennent d'une manière tout à fait étonnante parce que généralement, on laisse toujours une échappatoire. On laisse aux gens la chance, entre guillemets, de pouvoir se sauver quand les forces de l'ordre chargent. Et tandis que là, on était sur un quai. D'un côté, il y avait un mur, de l'autre, il y avait la Seine, l'eau, et il y avait les forces de l'ordre qui chargeaient en amont et en aval, et donc les gens étaient pris en étau entre les deux, et donc il y a des gens qui sont tombés à la Seine comme... Oui. Il y aura des noyés, enfin, c'est grave ça. Ah oui, il y a des gens qui sont tombés à la Seine, oui. Bah oui, c'est pas rien. Oui, et lorsque les premiers sont tombés à la Seine, que du coup, là, les charges se sont arrêtées, puis les gens ont pu être exfiltrés. Alors, la question à laquelle on arrive, bien sûr, en fin d'émission, c'est la question d'aujourd'hui. Hein, où en sommes-nous de la situation des SDF et des sans-abri? Avant de répondre à cette question, on va écouter un dernier extrait ensemble, un extrait de cet entretien pour France Inter en juillet 2015 avec Florent Guéguen, directeur général de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Donc, le point aujourd'hui. qu'il y a une montée très forte depuis 2012 de la demande d'hébergement et de logement des familles pauvres qui sont victimes de la crise économique, victimes de la crise du logement, parfois issues aussi de flux migratoires, et avec un système de l'hébergement qui est dans l'incapacité complète hein, de répondre à cette demande. Incapacité d'abord quantitative face à l'augmentation de la demande qui est très forte depuis 2012, et incapacité aussi qualitative. Je dirais que la politique de l'hébergement depuis la fin des années 80 a été conçue hein, sur des places d'accueil pour des hommes seuls isolés. Or aujourd'hui, la pression elle est de la demande, elle est familiale, avec beaucoup de mineurs, 20 000 mineurs qui ont demandé un hébergement en 2014. C'est plus 18% hein, de mineurs par rapport à 2012. Donc il y a une pauvreté des familles qui s'accroît. Depuis le début du quinquennat, très clairement, il y a plus de sans-abri depuis 2012. Il faut une réponse politique forte, puisque le droit à l'hébergement, c'est au gouvernement, à l'État de le mettre en œuvre. Voilà, qu'en pensez-vous de ce bilan ? Oui, alors... Il y a un effort qui a été fait en termes d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire que lorsque les personnes sans-abri sont accueillies, elles le sont dans des conditions plus dignes, oui. Parce que c'est plus des dortoirs immenses avec une promiscuité inacceptable, de la violence. C'est souvent des hébergements en chambre à deux, individuels, maximum de quatre. Bon. Et puis les gens ne sont pas remis à la rue à 7 heures du matin, parce que avant, même s'ils faisaient moins 10, à 7 heures du matin, on considérait que les gens avaient fait leur nuit. Ben, comme chacun sait, c'est nous absurde. Autres, s'il fait moins 10, eh bien, oui. On va dehors à 7 heures du matin. Voilà, c'était ça. Et surtout, il fallait recommencer. On avait dormi 3 nuits. Eh ben, il fallait de nouveau appeler le 115 et dire, voilà, j'ai besoin d'un abri parce que je suis dehors. Si tant est qu'on puisse appeler. Si sans aide. Les SDF ont rarement des téléphones portables. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour... Pour tout vous dire, une fois, on a fait une page dans l'IB où on avait fait un papier sur le 115. Le 115, un numéro à coucher dehors, vous voyez, parce ouais. que précisément, on a beaucoup de mal à le joindre. Et alors, aujourd'hui, donc, les conditions ont été améliorées. Le problème, c'est que la société a continué à se précariser. Effectivement, outre les gens seuls, aujourd'hui, il y a des familles qui n'accèdent pas au logement. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont à la rue et qui n'ont pas de solution. Quand ils appellent, il n'y a pas de place. Toyino Serafini, il nous reste juste une minute. L'aventure des Don Quichotte se poursuit à travers l'association Les Enfants du Canal, que vous avez rencontré hier, je crois. Que vous ont-ils dit ? Juste une minute, hein, c'est court. Pardon. Ben, eux essayent, au travers de leur mode de fonctionnement, ils gèrent deux centres d'hébergement, de vraiment perpétuer les valeurs des enfants de Don Quichotte. C'est-à-dire un accueil digne pour les gens. On reçoit les gens comme ils sont. Ils viennent avec leur chien, et ben on les reçoit avec leur chien. Ils sont en couple, on les reçoit en couple. Ils ont le droit, s'ils arrivent seuls, plus tard, de venir avec leur petite amie, éventuellement. Voilà. Et puis si après s'être réinséré un peu, eh bien ils retombent à la rue. Eh ben voilà, c'est comme ça. Quand ils reviennent, eh ben on les accueille de nouveau. Bien, je vous remercie, Toyino Serafini. Peut-être que certains de nos auditeurs, après avoir entendu cette émission, poseront un regard peut-être plus attentif sur les SDF qui sont au bas de nos portes, hein, partout, hein, partout. En bas de chez nous. Merci, Toyino Serafini. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les enfants de Don Quichotte, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la disparition de Philippe de Dieuleveux. Et puis, ce sera jeudi que nous parlerons de la chute de Mossoul. Je vous en avais dit un mot juste avant, donc autant vous dire des choses justes. Bonjour Vincent Joss. Bonjour Fabrice. Vous prenez pas les pieds dans le tapis avec votre propre programme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? Eh bien, on reçoit un des plus grands pianistes d'aujourd'hui. C'est le Turc Fazil C qui est avec nous et qui va jouer pour nous. Merci. À tout à l'heure, cher Vincent.